d'Italie. En français? Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement, d'ici. Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle uscite tanto per fare, contenti di veder de cervellare. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura. Felici correvamo in via Chaudet, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete la macchina girare, dall'eco ammirate la testa, via volà. Bonsoir à toutes et à tous, comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez On vit d'Italie sur le 106.3 FM. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Et oui, on est bien arrivé à la pause estivale et c'est la dernière émission avant la pause. Hein, Irène, on a bien travaillé cette année, donc on mérite nos vacances. Et nous avions d'ailleurs l'envie de terminer en beauté en vous faisant découvrir des choses que nous aimons à travers les paroles de nos invités. Irène, alors de quoi on va parler ce soir? Alors, ce soir, nous vous proposons d'écouter les conseils et les sexy recettes de notre amie Elisabetta degli Esposti, mieux connue comme Funky Ménagère, oui. La musique du chansonnier Andy Dente, ainsi que la présentation du film La Petite Venise d'Andrea Segre, et pour terminer, l'important travail de la Spira Foundation. Donc, c'est un programme très riche, chargé. Oui. Et on va commencer par quoi, donc? Donc, on va commencer notre plongée tout de suite avec l'univers de notre amie Funky Ménagère, oui. Dont peut-être nos auditeurs se souviennent. Parce qu'en fait, on avait déjà eu le plaisir de l'avoir avec nous l'année dernière dans l'émission consacrée à la cuisine vue autrement. Oui, je me rappelle très bien, ouais. Bah d'ailleurs, c'était très très sympa. Et d'ailleurs, si vous l'avez raté, ne vous inquiétez pas parce que vous pouvez toujours la télécharger avec toutes les autres émissions d'Envie d'Italie directement de notre blog. Donc, http://envieditalifppradio.wordpress.com. Donc, justement, pendant cette émission-là, elle nous avait anticipé qu'elle allait écrire un livre de recettes pour séduire et pour jouer avec son propre copain. Et donc, elle l'a fait, hein. Elle a maintenu sa promesse. Sa promesse. Donc, on l'a interviewée. Donc, le moment est arrivé justement pour écouter la Funky Ménagère raconter tous les secrets qu'elle nous dévoile dans son Love Cooking qui vient de sortir cette année aux éditions Aliberti. On l'écoute. Notre amie Elisabetta, connue sous le nom de Funky Ménagère, en italien Funky Sdaura. Alors bonsoir Elisabetta. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va, très bien. Merci d'être là avec nous ce soir. J'avais envie, avec mes collègues, de te demander de nous parler de ton premier livre, qui s'appelle Love Cooking, recette pour allumer la passion. Oui, c'est ça. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre que tu as réalisé avec d'autres amis, en fait? Oui, en fait, c'est un livre qui a été écrit par moi et mes deux collègues qui s'appellent Anna Roberti et Elisa Mazzola. Nous sommes tous les trois ensemble un collectif qui s'appelle Culinaria, un collectif qui est né en 2007 et donc qui fait des projets de cuisine créative. On peut dire qu'on va combiner la cuisine avec d'autres formes d'expression comme l'architecture ou la musique, les bandes dessinées, tout ça. Et bon, on a fait dans les passés plusieurs projets sur les rapports entre la cuisine, l'érotisme et la séduction. Et donc, un éditeur italien il nous a contactés pour écrire ce livre qui il devait être au début simplement un livre des recettes, des cuisines et des et érotiques. Là, on a décidé de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est le même en France, mais en Italie, il y a beaucoup de livres et d'écrits sur ce sujet, non? Sur la liaison qu'il y a entre la cuisine et l'érotisme. Mais selon nous, tous ces livres ils donnent une vision univoque de cette liaison. Et pour nous, en fait, la liaison, c'est différent parce qu'il dépend des niveaux de connaissances de partenaires. Donc, il y a plusieurs options de différenciation entre quand on parle de cuisine et d'érotisme. Donc, il n'y a pas une manière univoque de le voir, mais plusieurs. Et donc, c'est pour ça que vous avez, divisé le livre. Là, on a construit le livre sur cinq chapitres. Okay. Et cinq chapitres qui parlent de différents niveaux d'avance qu'il y a entre un couple, entre deux personnes. Oui. Donc, dans les premiers chapitres, le premier chapitre est dédié à les amants qui ne se sont jamais goûtés. Goûter dans un langage allusif, non? Bien c'est sûr. Goûter dans le sens qu'ils n'ont jamais couché. Ok, voilà. Jamais couché ensemble. Voilà, c'est ça. Dans le deuxième chapitre, c'est pour amants qui se sont goûtés au moins une fois. Le troisième, c'est pour couples solides et peut-être aussi un petit peu ennuyés. Et le quatrième chapitre, c'est dédié à tout, à jeu, des affaires avec la nourriture. Et c'est compris aussi la chasse au trésor érotique. Et le cinquième chapitre, c'est composé par des conseils pour résoudre des situations d'impasse ou des imprévus qui empêchent la bonne réussite d'un dîner érotique. Par exemple, si vous avez des enfants ou si la belle-mère est hébergée chez vous ou si bien décidé de faire un dîner érotique last minute. Et est-ce que tu peux nous raconter ou nous dire une petite recette du livre pour faire un petit peu comprendre aux auditeurs de quoi il s'agit en fait? Ok, donc... Ok, on peut par exemple parler d'une recette qui s'appelle abricot encore. Ça va? Oui, oui. on est curieux. Alors, cette recette est dans le dernier chapitre et c'est pour le dîner érotique last minute, au dernier moment. Et alors là, il faut prendre 4 abricots et 50 grammes de mascarpone. Vous avez en France le mascarpone? Si, ça existe, c'est trop bon, ouais. Oui, ça existe, bien. Après, une petite cuillère de sucre de canne, et deux sésames et de la noix de muscade. Le sésame avec les abricots, c'est... J'ai jamais goûté. Et alors, après, il faut mélanger les mascarpone avec le sucre et un petit peu de noix de muscade. Après, il faut prendre les abricots et les ouvrir avec un couteau et sans séparer les deux parties complètement. Donc, il faut que les deux lèvres, comme on appelle les deux lèvres de l'abricot, restent serrées un petit peu. Et après, il faut enlever les noyaux et remplissez les abricots, les deux parties de l'abricot, avec le mélange de mascarpone et sucre. Wow. Et il faut le remplir de façon qu'un petit peu de mascarpone sorte de l'abricot. Et là, où il sort, il faut ajouter un petit peu de sésame. Et voilà, et c'est fait. Donc, c'est très simple. Et en plus, on a utilisé dans la recette la noix de muscade qui a été toujours considérée l'épice de la folie parce qu'elle a des propriétés hallucinogènes. Wow. Et elle a été toujours utilisée aussi pour des préparations excitantes et a le pouvoir de stimuler l'appétit. Et aussi l'appétit sexuel, n'est-ce pas? Mais comment vous avez trouvé ces recettes, justement? C'est-à-dire, chacune avait ses recettes, vous les avez testées, quelqu'un vous en a parlé, comment ça se passe? Oui, donc le livre est composé par plus de 80 recettes qui ont été tout créées par nous et que nous avons tout testé, nous ou nos amis, qui nous avons demandé à nos amis de le tester, de nous dire s'il sortait des bons résultats ou pas. Et donc, oui, tout était testé. Ouais. Super. Et toi, donc, cette recette, c'est à toi ou c'est à quelqu'un d'autre? On l'a pensé tout ensemble, les trois. On a fait un travail tout ensemble, on s'est serré dans la maison pour un mois à écrire et tester les recettes. Et un petit aussi pour grossir, en fait. Mais c'est bien, c'est super. Mais est-ce que, les recettes sont en italien dans le livre. Vous n'allez pas le traduire oui, oui. En français. Vous n'allez pas le traduire en français, le livre. Ah, il faut les traduire, hein. En fait, en plus, comme je disais avant, on l'a écrit avec ce langage allusif, en utilisant des mots qui peuvent être utilisés soit pour la cuisine que pour le sexe. Je ne sais pas si c'est le même aussi français, mais je crois que oui. Et par exemple, en français, je pensais à faire suer l'oignon, non? Faire suer, c'est allusif. Donc oui, oui. Là, en italien, on a fait le même, en utilisant des mots qui peuvent être utilisés pour les deux. Donc, en fait, il faut trouver quelqu'un pour traduire votre livre pour que les, oui, oui. les Français puissent... Qui est intéressé, nous sommes là... prêt à le faire traduire. Ben oui, c'est super. Dans ton émission, dans ton travail aussi dans l'association culinaire, etc. Est-ce que tu as découvert des choses en fait intéressantes à partager avec nous, des petits conseils qu'on peut partager ce soir? Oui, oui. En fait, dans l'émission qu'on fait ici en Italie, on est toujours à la recherche de petits conseils à donner à l'écouteur, des conseils qui nous ont dit de la funky ménagère, qui sont des conseils à utiliser dans la maison, bien aussi dans la vie en général. Voilà. Et là, j'ai fait des recherches sur le sujet qui est le préservatif. Alors, le préservatif ordinaire, qui sont présents sur les marchés, sont faites de latex et à partir du caoutchouc. Et donc, on peut penser qu'ils sont des produits naturels. En fait, et dans les usines, quand on va fabriquer, les entreprises qui fabriquent les préservatifs utilisent des additifs chimiques pour modifier les caoutchoucs. Pour obtenir le préservatif. Et donc, finalement, les préservatifs ne sont plus naturels, mais ils ne sont moins biodégradables. Et donc, si on pense combien de préservatifs on a jeté à terre, là, on va penser qu'on n'a fait pas du bien à l'environnement. Par contre, il y a des entreprises, surtout à l'étranger, par exemple en Angleterre ou bien au Brésil, qui fabriquent des préservatifs écologiques, écolo et biodégradables, parce que on n'utilise pas des additifs chimiques et aussi ils fabriquent des emballages pour les préservatifs qui sont faits à partir de matériaux recyclés. Et aussi dans les usines, ils respectent le travail des personnes qui travaillent là-bas, et donc ils font partie aussi de marchés équitables. Et donc on fait du bien aux gens, on fait du bien à l'ambiance, on fait du bien à nous aussi. Écoute, Funky, oui. C'est génial. On a adoré en fait parler avec toi et découvrir aussi alors votre livre Love Cooking, recette pour allumer la passion. Qu'on peut trouver donc en italien pour le moment, et, oui. Mais on espère bientôt en français. C'est moi que je te remercie beaucoup pour cette occasion de parler des livres à la radio. Et bon, moi aussi, j'espère bien de venir bientôt à Paris. Pour faire un coucou aussi ici à la radio en vrai. Écoute, merci beaucoup et je te souhaite bonnes vacances. Et alors, après avoir écouté les très sages conseils que notre amie Funky Manager a livrés au public d'Envie d'Italie et de FPP Radio, nous avons l'envie maintenant de vous amener dans l'univers de Dente. Eh oui, Dente. C'est qui Dente? C'est un chansonnier italien qui est déjà très connu en Italie et que nous avons eu le plaisir de rencontrer à Paris la semaine dernière. À l'occasion de deux concerts, le premier au Chat Noir, qui a vu une énorme participation. D'ailleurs, Irène, tu étais là. Oui, j'étais là. Et l'autre, en fait, a eu lieu sous la forme d'un apéro showcase dans le nouveau café-librairie italienne Marco Valdo, qui ouvrira officiellement ses portes dans les prochains jours au 61 rue Charlot, dans le 3e. Et en fait, c'était la première visite de Dente à Paris. Et bien évidemment, en vie d'Italie, il ne s'est pas laissé échapper l'occasion de bavarder un petit peu avec lui et d'écouter surtout ses chansons jouées expressément pour vous ici à FPP dans nos studios. Oui. Et c'était vraiment chouette. On remercie d'ailleurs Marco Valdo et les amis de Marco Valdo pour nous avoir mis en contact avec lui et vraiment on trinque à des futures collaborations et on écoute maintenant Dente. Alors ce soir on a eu la chance d'avoir avec nous Dente, donc chansonnier italien, et on profitera de sa présence ici à Paris pour deux concerts pour bavarder un peu avec lui de sa musique et de ce qu'il fait ici à Paris. Buonasera Dente, benvenuto, ciao. Grazie di essere qua con noi. Donc on va faire un peu la traduction simultanée, donc je vais poser les questions en italien et après je vais traduire en français tout de suite. Alors, avant tout, il paraît que c'est la première fois que tu viens à Paris. Comment ça se fait? Ça a été le destin ou ça a été plutôt un choix? Allora, è la prima volta quindi che sei a Parigi. Come mai è stata una casualità, è il destino, una scelta? Dunque, è la prima volta che sono a Parigi nella vita, non solamente per suonare, perché non sono mai stato a Parigi prima di quest'oggi. Donc c'est la première fois que je suis à Paris, pas seulement pour jouer, mais vraiment en tant que touriste aussi. E la cosa è nata un po' per caso e un po' no, un po' la mia ostinazione di voler venire a Parigi a suonare a tutti i costi e tutte le persone che ho incontrato nella vita che sapevano, che sapevo insomma che avessero delle conoscenze a Parigi o che abitavano a Parigi, chiedevo sempre di poter essere ospitato per un concerto a Parigi. Finalmente qualcuno mi ha dato ascolto. Donc il nous raconte le fait que ça a été un peu d'un côté un peu un hasard le fait qu'il est venu à Paris, mais aussi c'est dû au fait qu'il est très têtu et qu'il voulait absolument venir jouer à Paris. Et donc, chaque fois, il demandait par des connexions s'il connaissait quelqu'un pour jouer à Paris. Et bah, ça s'est bien passé finalement parce qu'il est là. Quindi ecco, infatti ti avrei fatto una domanda giustamente su com'è iniziata questa avventura, com'è nata questa piccola avventura parigina, qual è stato il click che ha fatto sì che noi ti abbiamo qua con noi? Ma il click è stato un incontro in Italia, a un mio concerto con un ragazzo che mi ha detto che abitava qua e quindi anche a lui, come facevo con tutti quelli che conoscevo che abitavano a Parigi, ho chiesto appunto ospitalità per poter suonare qua. Quindi e qui hai avuto la fortuna che anche lui era molto testardo e ostinato nel volerti qua. Exact. Faccio la piccola traduzione. Alors, en fait, cela est né du fait que pendant un concert en Italie, il y a eu un garçon qui l'a approché et il lui a dit qu'il vivait à Paris et qu'il aurait souhaité que Dente joue à Paris. Donc cette fois-ci aussi, Dente lui a dit bah écoute, je suis intéressé à jouer à Paris et bah finalement ça a bien marché parce que bah il est là. Donc de l'autre côté il y avait une autre personne aussi qui était aussi têtue que Dente. Quindi allora invece per tornare quindi al fatto che è la prima volta a Parigi, prime impressioni della città, che cosa hai visto, se l'hai vista un po' più da turista, del tipo hai già fatto le foto davanti alla Tour Eiffel, certo, con una baguette sotto braccio. Ho fatto un po' di turismo ieri. Scusami. Ah, sì? Donc en fait, juste une petite question à propos de ta visite à Paris. Est-ce que tu as déjà fait les touristes? Est-ce que tu as pris déjà une photo devant la Tour Eiffel avec une baguette sul bras? Ho fatto il turista, quindi ho visto Tour Eiffel e cose varie, ed è l'impressione che ho avuto è di una città molto bella, estremamente bella e anche molto grande. Io abito a Milano e quando dal paesello sono andato a abitare a Milano mi sembrava una grande città. Oggi comincio a capire che non è così. Donc alors oui, j'ai déjà fait un petit tour de Paris, je suis allée à la Tour Eiffel et je dois avouer que Paris c'est une ville très belle et très très grande. Moi j'habite à Milan et quand je suis partie de mon village, je pensais que Milan c'était très grand, mais en fait non, en voyant Paris, je me dis non, c'est pas si grand que ça. Giusto. et donc qu'est-ce que tu as fait hier? Est-ce que tu as déjà essayé de jouer dans les rues de Paris ou pas? Donc cosa hai fatto ieri? Hai provato già a suonare nelle strade di Parigi? Un pochino, sì, poco, con molta timidezza. Ho fatto qualche cosina e più che altro ho girato un po', abbiamo girato qualche video girando in giro, questo lo traduci adesso, e così abbiamo visto dei posti molto, molto affascinanti, diciamo. In un paio di occasioni ho tirato fuori la chitarra vergognosamente e ho provato a fare qualche cosa, insomma, ho fatto già dei concerti molto belli. Donc allora oui, là déjà, donc j'ai déjà joué un petit peu avec grande timidité dans les rues de Paris. On a fait des tours un peu partout. Ho girato in giro. Ça c'est difficile à traduire en français, en effet. Et avec honte et un peu de timidité, j'ai sorti ma guitare pour essayer l'effet que ça faisait de jouer dans les rues. Là maintenant, j'aurais envie de parler un peu de musique avec toi. Il y a normalement, enfin, il y a un peu l'habitude en Italie d'étiqueter, de donner des étiquettes à la musique. Donc à toi aussi, ils ont essayé de te donner des étiquettes telles que les De Gregori mélancoliques ou le Lucio Battisti vers la fin de sa carrière. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, in Italia c'è questa abitudine di etichettare spesso i cantautori o comunque i generi musicali in mille modi. Anche con te hanno cercato di darti delle etichette, dal De Gregori malinconico al Battisti del secondo tempo. Che cosa ne pensi? Come ti descriveresti? Ah, dunque, descrivermi faccio molta fatica, è molto faticoso per me descrivermi. E quelle domande del tipo tre aggettivi per descriverti sono la tomba delle mie risposte. Però ovviamente tutti questi paragoni che hanno fatto mi fanno da una parte piacere, ovviamente, perché si parla non di Mickey Mouse, ma insomma di qualcosa di un po' più importante anche per me. E un po' ci credo, un po' no, e credo comunque che sia un'abitudine, come dicevi tu, italiana, che serve forse un po' anche per far capire immediatamente a un pubblico che sta leggendo un articolo di cosa stiamo parlando vagamente. È una sorta di sintesi. Dire un nome è più facile che mettersi lì a scrivere 2000 battute spiegando la musica, no? Sì, allora faccio una piccola traduzione. Allora, c'est très difficile de me décrire. Quand on me demande trois adjectifs pour me décrire, bah ça c'est les cercueils de mes réponses, j'arrive pas. Donc voilà, c'est un peu difficile pour moi de me décrire en parlant donc de comparaisons qu'on a fait entre moi Donc les autres chansonniers. Il faut dire que bon, c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce qu'en tout cas, il s'agit de chansonniers qui sont très connus et donc c'est pas Mickey Mouse dont on parle. Donc un peu j'y crois et un peu j'y crois pas, mais il faut dire que c'est vrai d'un côté qu'en Italie, on a donc cette mauvaise habitude de donner des étiquettes, mais c'est vrai aussi que d'un côté, c'est une façon pour faire comprendre à un public de quoi on est en train de parler. Donc c'est mieux de donner un nom plutôt que d'utiliser des longues phrases pour décrire une façon de chanter. Ok, quindi. Senza nulla togliere a Mickey Mouse. Non, beh, bien sûr. Dio qu'il ne veut pas vexer Mickey Mouse avec cette phrase qu'il a dit tout à l'heure. Quindi, per continuare sulla scia della musica, giustamente come nasce la tua musica? Come la vivi mentre suoni? Come la immagini tra la gente? Donc alors, pour continuer en parlant de musique, je souhaiterais savoir comment naît ta musique, comment tu vis ta musique pendant que tu joues et comment tu l'imagines parmi les gens. Alors, la musica mia nasce un po', anche senza un po', dall'esigenza di scrivere delle cose. E ho trovato nella forma canzone il mio modo di esprimermi, diciamo, quello che mi viene più naturale e con cui riesco a esprimermi meglio, diciamo. La questione della gente è una questione che è venuta dopo e che è brutto da dire, ma mi interessa fino a là, fino a un certo punto, no? Perché non scrivo per gli altri, ma scrivo solo per me stesso. Ok, donc ma musique elle naît de l'exigence que j'ai eu à un certain moment d'écrire des choses. Donc c'est par ces chansons que j'arrive à transmettre un message. Et donc disons que ce qui concerne le retour que j'ai des gens, c'est peut-être pas très beau à dire, mais ça m'intéresse pas beaucoup. Parce que c'est pas pour les autres que j'écris, mais c'est pour moi-même. Per collegarmi giustamente a quest'ultima frase sulla, appunto, come immagini che le persone reagiscano alle tue canzoni, visto che è la prima volta che suoni a Parigi, non pensi che in qualche modo, appunto, possano i parigini che non parlano, o i francesi comunque che non parlano italiano, possano avere delle difficoltà a capire i tuoi testi, possano non cogliere fino in fondo quello che vuoi dire? Beh, se non sanno l'italiano non lo colgono sicuramente. E i miei testi in particolare a volte non vengono colti neanche dagli italiani, quindi non ho pretesa che un francese possa capire quello che sto dicendo. Ok, donc je lui demandais si il craint pas que les français ne parlant pas italien aient du mal à comprendre ses paroles. Donc il m'a répondu en disant que en tout cas, bien évidemment, les français ils vont pas comprendre ses paroles. Mais il faut dire aussi que quelquefois même pas les Italiens comprennent ces paroles, alors c'est pas bien grave ce qui se passera ce soir, anche perché giustamente per quanto riguarda i tuoi testi ci sono spesso tu giochi molto con le parole. Quindi vabbè, già nell'ultimo album di cui poi parlerò dopo, ci sono spesso quindi giochi di parole come non c'è due senza te, vieni a vivere come me, baby building, ecco un po' in questo caso probabilmente sarà ancora più difficile per un francese capire questi giochi di parole. E soprattutto, perché questi giochi di parole? Cioè, è semplice ironia o vuoi attraverso una... vuoi sconvolgere un po' le carte sul tavolo con questi giochi di parole? Allora, souvent il y a des jeux de mots dans tes chansons. C'est difficile de les traduire en français, donc je vais les répéter en italien. Donc, baby building, non c'è due senza te e vieni a vivere come me. Donc, pourquoi ce choix d'utiliser des jeux de mots? Est-ce que tu veux un peu déplacer un peu les messages. Dunque, i giochi di parole, che tra l'altro sono anche una pratica anche francese, perché anche la lingua francese si presta, e anche il cantautorato francese ha utilizzato tanto i giochi di parole. Penso a Gainsbourg, che ne ha fatto un po' una bandiera, no, di questi giochi di parole. Sono in realtà delle cose che mi sono sempre venute abbastanza naturali, e anche nella vita quotidiana li utilizzo, e credo mi siano serviti per sdrammatizzare un po' le cose che dico. Ok, donc les jeux de mots, le fait de faire des jeux de mots, c'est une pratique aussi qui est très répandue aussi dans la musique française. Je pense par exemple à pas mal des chansonniers français qui les ont utilisés, notamment Gainsbourg qui a fait presque son drapeau des jeux de mots. Et en ce qui me concerne, ça a été plutôt naturel pour moi, car je les utilise de façon quotidienne. Donc quand je parle, j'utilise souvent des jeux de mots. En fait, oui, Irène, j'ajoute, Dente dit aussi que donc il utilise ces jeux de mots pour minimiser un petit peu ce qu'il dit, ce qu'il écrit, ce qu'il chante. Quindi, per venire all'ultimo, dunque l'ultimo tuo album, che in Italia è uscito, se non erro, alla fine del 2010, ottobre 2010, 11, scusami, sì. Ottobre 2011, c'è una connessione con Aznavour, perché si intitola... Lo stavo per dire alla... Te lo faccio dire a te? Va bene. Si intitola? Io tra di noi. Io tra di noi, perché in automatico viene appunto sì. La A me ormai non referenza. Viene, ormai va a fine il mio e basta. Je souhaiterais parler de ton dernier album, dont la référence c'est de Aznavour. Donc Io tra di noi, et en fait Aznavour, bon, le titre de la chanson c'était Et toi dans et moi dans mon coin, qui a été traduite en plus par Battiato, si je ne me trompe pas. Era Battiato qui avait rifatto sì. Io tra di sì. noi e Io tra di voi. Là ça va être dur. Hein? OK. Cosa ti devo parlare del disco, sì. Del titolo? Il titolo è ovviamente una citazione, ma anche non citazione, una così. È sicuramente preso da quel titolo di Aznavour, e l'ho cambiato come ho fatto con tutti gli altri titoli dei miei dischi. Ho preso delle frasi fatte piuttosto che dei modi di dire, o comunque frasi che erano nel DNA dell'italiano medio, e le ho cambiate, e questa volta ho fatto questa cosa, quindi Io tra di noi diventa un paradosso, e diventava un bel modo per descrivere quello che stava dentro questo disco. Alors, le titre, en effet, c'est une citation, bien évidemment, qui est d'Aznavour. Moi, ce que souvent je fais, c'est donc d'utiliser des jeux de mots qui sont vraiment une partie du de l'italien moyen, et j'échange la signification. Donc, la phrase « Io tra di noi », donc « et moi parmi nous », c'est un peu le résumé de tous ces disques. Quindi qual è un po' lo spirito di questo disco, di questo Io tra di noi? È uno spirito, diciamo così, un po' malinconico, tanto malinconico, parecchio malinconico. È un disco che apparentemente è uno dei, forse musicalmente, uno dei più ricchi che ho fatto, e che però appunto ha questa, è permeato, diciamo così, da questo sentimento un po' di malinconia e di ricordo. Perché in quel periodo, insomma, ho scritto queste canzoni che avevano, insomma, si vede che ero malinconico e avevo forse più voglia di ricordare che non di guardare avanti. Donc en fait c'est l'esprit qui anime mon dernier album, c'est très très mélancolique, et musicalement peut-être c'est l'un des plus riches que j'ai fait. Et c'est peut-être dû vraiment à ces sentiments de mélancolie que j'avais, mais aussi pour l'envie que j'avais de me souvenir des choses. Donc j'avais plutôt envie de regarder à l'arrière plutôt que de regarder devant moi. Quindi come mai? Ma ti ricordi perché eri malinconico? O poi dopo è rimasto. Beh, pourquoi donc cette mélancolie? Sì, no, io lo so perché ero malinconico, ma mi basta questo. Ma ci se ne accorge nelle tue canzoni. Allora, dice che moi je me souviens très bien de la raison pour laquelle j'étais mélancolique. Donc moi j'ai demandé est-ce que on retrouve cette mélancolie dans ces chansons? Sì, no, io so perché ero melanconico, come dici tu. E questo può essere un gioco di parole per il tuo... Melanconico, però sì, poi ho scritto le canzoni, quindi basta. C'è stata una sorta di percorso... No, diciamo che mi serve poi scrivere le canzoni, no, per un po' per togliermi di dosso certe sensazioni. E questo è quello che ho fatto, insomma. Ma la malinconia non se n'è andata. Donc oui, l'effet d'écrire des chansons, ça sûrement, ça m'a aidé à parler de la mélancolie, mais la mélancolie n'est pas partie. Donc, pour terminer, une question que tout le monde t'a posée, mais il faut aussi dire que nos amis de Fréquence Paris Pluriel et nos amis de notre émission En Ville d'Italie, donc ils sont notamment des Français connaissant l'Italie, mais peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Il voudrait peut-être savoir la raison de ton nom. Donc, pourquoi Dente? Allora, la domanda che tutti ti fanno, ma siamo obbligati perché comunque è una radio francese, quindi Fréquence Paris Pluriel, i nostri ascoltatori francesi forse non ti conoscono, sono incuriositi da questa tua scelta del nome, che poi anche in francese Dente è Don, quindi come mai? Perché no? Très bien, c'était très bref. Donc, c'était la réponse c'était pourquoi pas. Non? Ok, on laisse comme ça la curiosité. Allez visiter son site internet, essayer de comprendre, chercher parmi les sites, donc de voir la raison de ce nom. Se ti va, io ti farei suonare una canzone. Attraverso la quale potresti presentarti. Se dovessi scegliere una tua canzone con cui presentarti. Allora, je te demande donc de jouer un morceau pour nous, un morceau à travers lequel tu pourrais te présenter. Donc, quelle est la chanson qui te présente le mieux? Dunque, non c'è una canzone che penso che possa rappresentarmi completamente. Però lo fanno tutte quante. Quindi diciamo che ci fai scoprire una parte di Dente. No. Perché lo fanno tutte, ma una sola non lo fa. Chacune de tes chansons te représente, parle de toi, mais en fait, une seule chanson ne peut pas te représenter. Donc c'est quoi la chanson que tu vas jouer maintenant pour les auditeurs de Fréquence Paris Pluriel? Ne faccio una a caso. Ok, il a décidé de jouer une chanson au hasard. Donc ce sera laquelle? Quale sarà? Faccio Saldati. Saldati, sì. Dall'ultimo album? Sì, okay. No? Sì. Quindi allora Dente va a jouer Saldati de son dernier album e io tra di noi che è sorti donc au mois d'octobre 2011. Aspetto che il mio cuore faccia boom. Chi semina peste raccoglie dolore. Sotto le lenzuola anche tu. Io divento un fiume, tu profumi come un fiore. Fa fara fara fara. Fa fara fara fa fara fa fara. Cadi giù dal letto, badabum. Mi tieni più forte, poi non ti muovi. Chiudi gli occhi e non ti vedo più. Poi leghi i miei capelli ai tuoi con più di mille nodi. Portami a vedere il cielo questa notte, anche se nuvolo. Ho tanto caldo, anche se è inverno. Ho tanto caldo, anche se è inverno. mi sento che non peso quasi più. Mi volto nel letto, un silenzio che dorme. Ma come stai, mi chiedo, dandomi del tu, come a primavera sugli alberi le foglie. Portami a vedere il cielo questa notte, anche se nuvolo. Ho tanto caldo anche se è inverno. Ho tanto caldo anche se è inverno. Ma che bel sogno, fino a mattina non ho chiuso occhi io. Portami a vedere il cielo questa notte, anche se nuvolo. Ho tanto caldo anche se è inverno. Ho tanto caldo anche se è inverno. Merci, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de t'écouter. Donc on en profite, on va te demander un deuxième morceau. Toujours, je laisse à toi le choix de la chanson à chanter. Donc grazie per averci fatto ascoltare questo pezzo che non ti descrive o che ti descrive del tutto. Lasciamo a te, allora ne approfittiamo e ti chiedo di proporci un altro pezzo, sempre a tua scelta. Da suonare sempre? Sì. Ah, maledetti. posso farti una... con poco tempo una canzoncina molto breve, con tanto tempo una canzoncina più lunga. Faccio la canzoncina molto breve. Facciamo la canzoncina breve, poi chiacchieriamo un po' e poi la canzoncina lunga, ci ho preso gusto. Addirittura proprio. Allora, elle proposait une chanson très courte ou plutôt une chanson longue, donc je proposais de faire la courte, de bavarder un petit peu et après d'écouter l'autre morceau. A dente. Va bene. Allora facciamo la canzoncina giocattolo. La chanson jouée. Cuore di pietra preziosa, che non ti rubino la voce. Fa che non si parli mai di amanti, già da tempo non ci penso più. Per la tua gonna turchese, per i fogli e le matite, io so da lì te non ti muovi, anche se io ho palesemente voglia di te. C'est un grand plaisir d'avoir ici avec nous dans nos studios des fréquences Paris Pluriel, Dente avec nous, qui joue que pour nous et pour tous nos amis qui écoutent notre programme. Donc, dicevo che è veramente un grande piacere di averti qua direttamente nei nostri studi a suonare per noi e per i nostri ascoltatori. Quindi facciamo un attimo, ripasso un attimo alle questioni domande sulla musica. Perché a maggior ragione dopo averti ascoltato qualche domanda nasce. Donc je vais donc poser encore quelques questions à Dente justement en ce qui concerne sa musique. Donc en particulier, d'où est-ce qu'il tire son inspiration? C'est quoi qui le pousse à écrire? Quindi che cosa ti ispira? Da cosa sei ispirato quando scrivi i tuoi pezzi? Ma non è un'ispirazione, perché non è una grande gioia scrivere le canzoni. È più, come dicevo prima, un bisogno, no? E quindi più che ispirato vengo colto da un sentimento che ho bisogno di buttare fuori, di farlo diventare materiale quasi. Donc ce n'est pas une inspiration, mais c'est plutôt donc ce n'est même pas une grande joie d'écrire, mais c'est plutôt une nécessité d'écrire ce qui se passe en moi. Quindi si tratta di sensazioni che possono essere però anche positive, perché è vero che sì, i tuoi testi sono effettivamente spesso malinconici, cioè un po' di sì, tutto. Perché se sono felice vado fuori a farmi una passeggiata. Parce que je disais que dans ces paroles, il y a toujours vraiment, on perçoit la mélancolie de ces paroles. Il dit, bah oui, bien évidemment, parce que si je suis heureux, je sors et je vais me balader. Io volevo sapere se ci puoi raccontare un pochino com'è fare musica, per esempio, a Milano, in Italia, cioè nel senso che tu... Parigi è una realtà un po' particolare per questa cosa, ci sono tanti locali, non dico che sia facile, però forse ci sono delle differenze rispetto all'Italia. Cioè, ci puoi parlare un po' dell'Italia? Sì. Je voulais demander à Dente s'il pouvait nous parler de comment c'est de jouer en Italie, parce qu'on sait qu'à Paris, il y a pas mal de bars où on peut faire de la musique, je dis pas que c'est facile, mais je voulais qu'il nous parle un petit peu de la réalité italienne de Milan, vu que c'est la ville où il vit. Dunque, la situazione francese o di Parigi non la conosco molto bene, ovviamente. E la situazione italiana sta cambiando. Quando io ho cominciato a fare concerti, chitarra e voce, a Milano specialmente, c'erano tanti locali che facevano suonare, che piano piano nel tempo, in poco tempo, hanno quasi tutti chiuso. E quindi in Italia c'è un po' questa situazione qua ultimamente. Donc la situation de Paris, je ne la connais pas très bien. En ce qui concerne la situation italienne, il faut dire que depuis quelques années, c'est en train de changer parce que il y a quelques années, il y avait beaucoup de locaux dans lesquels c'était très simple de pouvoir jouer avec guitare et voix, comme j'ai commencé. La cosa strana è che inversamente alla chiusura di questi locali e agli spazi che sono sempre meno, sembra che ci sia sempre più gente invece che suona e che ha voglia di suonare e che fa anche delle cose molto belle. E fortunatamente in Italia negli ultimi anni si è, secondo me, alzato anche il livello proprio artistico della proposta che c'è, no? E anche, oltre a quello artistico, anche popolare, nel senso che la musica, chiamiamola indipendente, italiana, rispetto a 15 o 20 anni fa, è molto più masticabile dal mondo intero, no? Quindi è molto più pop nel senso bello del termine. Donc ce qui est bizarre en effet c'est que d'un côté il y a beaucoup de locaux qui ferment, mais de l'autre côté il y a de plus en plus des gens qui jouent, des chansonniers, et que le niveau artistique de la proposition est vraiment amélioré. Et même au niveau, disons, populaire, parce que par rapport à il y a quelques années, donc disons 10-15 ans, la musique indépendante italienne, elle est devenue plus populaire, donc beaucoup plus accessible aux gens. Et anche da parte del pubblico, sembra, dico, una rinascita di tutta la baracca, diciamo così, quindi non solo degli artisti che fanno delle belle proposte, ma anche della gente che ricomincia ad appassionarsi alla musica italiana attraverso questi artisti che stanno uscendo e compra i dischi nel limite delle possibilità, perché c'è una crisi abbastanza pesante, e compra i dischi, va a vedere i concerti e quindi si respira un'aria un po' di rinascita culturale legata alla musica italiana, che mancava da un po' di tempo, perché c'erano i soliti noti giganteschi e un sottobosco di cose un po' particolari e seguite fino a una certa età. Per poi quando uno dopo arriva a 30 anni non segue più la musica e fa dei bambini e basta. Oui, donc en fait, d'un côté, même si même du côté du public, il y a été une sorte de renaissance, un renouvellement de l'intérêt vers la musique. Donc, c'est-à-dire, les gens ont recommencé à se passionner à la musique et aux chansonniers. Donc, les jeunes, enfin, pas que les jeunes gens, mais il y a toute une partie donc du public qui achète les disques. Bon, c'est vrai que ça dépend aussi de la disponibilité économique vu la crise, mais qui va aussi voir les concerts. Donc il y a vraiment une renaissance culturelle qui manquait. Et donc il y a quelques années, il y avait toujours les mêmes personnes qui écoutaient la musique et on avait l'impression que passé les 30 ans, on arrêtait d'écouter la musique et on commençait à faire des enfants. Là, par contre, ça commence à changer. En fait, aussi parce qu'en Italie, on fait plus d'enfants. Oui, voilà, c'est ça. Et on les fait surtout après les 30 ans, tandis qu'en France... C'est pour ça que les gens ont le temps de venir écouter la musique. Moi, j'avais une autre petite question à poser, si c'était possible. Et tu parles pas français. Et comment tu penses que les Français peuvent apprécier ta musique? Sì, allora la domanda che ti volevo fare è questa. So che tu non parli francese, quindi mi chiedevo come pensi che i francesi potranno apprezzare la tua musica e come tu potrai spiegare ai francesi la tua musica, anche perché tu durante i concerti parli molto, introduci i tuoi pezzi. Sì. Ti piace chiacchierare con il pubblico? Sì, mi piace, lo faccio in italiano. Poi se uno capisce, capisce, se non capisce non capirà, però visto che il francese, cioè, sapessi il francese lo farei in francese, ma non lo so. Quindi li presenterai comunque i tuoi pezzi? Sì, sì, faccio come se niente fosse. Proprio. Fantastico. Donc, moi, j'ai juste ajouté une petite phrase à la question qu'a posée Véronica, c'est-à-dire que pendant les concerts, Dente, il a vraiment l'habitude de parler à son public et de présenter ses chansons, donc je demandais aussi comment il allait expliquer aux Français ses morceaux. Ben, il a dit qu'il va quand même les faire en italien parce qu'il ne connaît pas les Français. Et ben, tant pis, s'il arrive à comprendre, c'est bien. Sinon, ils écouteront quand même ses morceaux. Est-ce qu'il y a eu des chanteurs français que tu as aimé particulièrement et qui t'ont donné envie de reprendre certains thèmes, certaines choses? Per continuare sulla musica francese, ci sono degli autori francesi che ti hanno appassionato o a cui tu hai rubato magari qualche ispirazione? C'è qualcuno in Italia che ha rubato ispirazione dalla Francia tanti anni fa e l'ha fatto molto bene. Io no, non sono un grandissimo conoscitore, diciamo così, della musica francese, se non quello che arriva in Italia. Però immagino che ci siano un bel po' di cose molto interessanti anche qua, insomma. Non le conosco moltissimo, ecco. Se non i grandi nomi del passato o quelli popolari del presente, ecco. Ok, je suis pas un grand je connais pas beaucoup de la musique française sauf c'est qu'on peut écouter directement de l'Italie et bien évidemment je connais les très grands noms de la musique française du passé et même ceux d'aujourd'hui qu'on écoute même à l'étranger. J'avais envie en fait de demander à Dente de peut-être faire une petite dédicace à tous les Italiens qui habitent à Paris et qui nous écoutent sur Fréquence Paris Pluriel. Dunque, Veronica vorrebbe chiederti se puoi fare una piccola dedica agli italiani che vivono in Francia, che sono in effetti un numero piuttosto importante, e soprattutto ai nostri ascoltatori di Envie d'Italie, che è dunque la nostra trasmissione che è su Fréquence Paris Pluriel. Agli italiani, ma io vedo tutti gli italiani che ho conosciuto, che stanno all'estero, in Francia piuttosto che anche in altri posti, stanno molto bene. Sono tutti molto bene, quindi un po' l'invidio, devo dire la verità. E un po' no, perché comunque io non riuscirei forse a vivere fuori dall'Italia un po' per quello che faccio, perché scrivendo in italiano, essendo l'unica lingua che mi permette di esprimermi in modo quasi corretto, farei un po' fatica, insomma, andare da un'altra parte. Però veramente vedo che stanno tutti molto bene. Senti, vedo anche le vostre facce di soddisfazione. Donc, il disait que tous les Italiens qu'il a eu l'occasion de rencontrer, donc les Italiens qui vivent à l'étranger et en France notamment, ils ont vraiment la forme. Donc, il dit qu'il les envie d'un certain côté, mais de l'autre côté, il n'arriverait pas à vivre à l'étranger, car c'est aussi à cause de son travail, parce qu'il ne peut qu'écrire en italien, donc il aurait du mal à le faire dans une autre langue. Donc je vais lui demander s'il va nous chanter une petite chanson pour tous ceux qui nous écoutent. Et pour nous dire au revoir en musique, en espérant de pouvoir le rencontrer à nouveau sur Paris pour d'autres concerts et d'autres rendez-vous. Ok, quindi ti chiediamo di suonarci un ultimo pezzo, sperando di rivederti presto qua a Parigi con tutta un'altra serie di concerti qua nei nostri studi. Mille. Buono, faccio Baby Building, che ha un titolo inglese, ma la canzone è in italiano, quindi c'entra molto con la Francia. L'inverno finirà e così anche il gelo nel tuo cuore si scioglierà. L'inverno finirà e ci piacerà ballare più di quanto non ci piaccia già. Più di quanto non ci piaccia già. Quando finirai gli esami andremo al mare con la macchina e si parlerà di quando ti dicevo ma che begli occhi che hai. Chissà come mi vedi bene, che begli occhi che hai. Chissà come mi vedi bene, che begli occhi che hai. Poi mi regalerai un bacio lungo dalle miglia all'Africa. Io ti darò un cesto di stelle di plastica e la mia povertà, la mia povertà. E niente di niente di niente di niente ci toccherà. La stessa dolcezza di quando ti dicevo ma che begli occhi che hai. Chissà come mi vedi bene, che begli occhi che hai. Chissà come mi vedi bene, che begli occhi che hai. A differenza di questa canzone, noi non finiremo mai. Non finiremo mai, bello, bello. Non ne finirà jamais. Ah, se bossa. Allora, grazie e... un long baiser de l'Emilie-Romagne à l'Afrique. Come mai dall'Emilia all'Africa? Ma perché c'è un motivo, Cece? Non vuoi svelarci nulla? Ma no, se l'ho già scritto, basta. Se perché no, tu... Se no le spiego le cose. No, o scrivo le canzoni o le spiego. Dico, il y a rien à expliquer, il suffit d'écouter la chanson. Parce que soit ou il écrit les chansons ou il les explique. Donc il préfère les écrire. Hein. Quindi facciamo una... Quindi siamo purtroppo quindi in chiusura di questa bella, bella e piacevolissima intervista. Due parole che vuoi dire a, quindi a Fréquence Paris Pluriel e a tutti i nostri numerosissimi ascoltatori francesi e italiani? Ciao, statemi bene, fate i bravi, tornate a casa presto e guidate con prudenza. Et toutes ces choses-là de nonno. Ouais, il a donné des conseils des grands-pères, comme il vient de dire. Donc, soyez sages, conduisez avec grande prudence. Oui, mais c'est ça. Hein. Et rentrez très tôt. Très tôt, ouais, c'est ça. Le soir. Grazie mille, Dente. Grazie mille, Dente, di averci accompagnato questa serata. Merci beaucoup à Dente pour avoir partagé ces moments avec nous et avec nos auditeurs sous Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et vous écoutez Envie d'Italie comme tous les premiers lundis du mois. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Alors encore un très grand merci à Dente pour toutes ces jolies chansons qu'il nous a fait découvrir au cours de cette longue interview. Donc l'émission... On espère que vous avez aimé hein, d'ailleurs. Bah oui, en plus ça fait 40 très bonnes minutes qu'on a passées ensemble. Donc l'émission de ce soir est donc consacrée au partage de nos rencontres de ces derniers mois. Oui, et donc on continue tout de suite en laissant la parole à Andrea Segre qui est venu à Paris pour présenter son dernier film « Io sono lì » en français « La petite Venise ». On l'écoute. Andrea, merci d'être avec nous. On avait déjà eu l'occasion de parler avec toi en 2008, à la sortie de ton documentaire « Comme un homme sur la terre ». Et aujourd'hui, tu es à Paris pour présenter ton dernier film. Pourquoi tu as décidé de raconter cette histoire? Pourquoi fallait-il la raconter? Hai già raccontato anche col documentario, cioè di temi che ti sono cari come l'immigrazione. Perché hai deciso di raccontare questa storia e perché andava raccontata? La storia mi è arrivata. Avrei dire, cette histoire est arrivée à moi. Poi ho girato il film dove ho incontrato. Je l'ai rencontré dans une osteria cinese che un bar, è diventata a Chioggia, où j'ai ensuite tourné le film. Là, j'ai rencontré la fille chinoise che d'un jour à l'autre s'était retrouvée serveuse dans cette osteria. C'est à partir de cette rencontre qui est née l'idée de raconter cette histoire, en la faisant voler sur les ailes de la fantaisie, de la poésie. J'avais envie d'explorer les terrains de la création aussi, du surréel, autant que du réel. La fiction m'a donné cette possibilité, même si dans les films on trouve beaucoup de caractéristiques et de langage du documentaire. Pourquoi fallait-il la raconter? La réponse est la même pour toutes les histoires que je voulais raconter jusqu'à maintenant. Parce que c'est les deux filles à travers laquelle nous avons la possibilité de réécrire notre identité et de transformer l'Italie en un pays moderne. Moderne pour moi signifie un pays qui ne se renferme pas dans ses traditions, mais qui est capable de les élaborer. Dans ce sens, l'histoire d'un vieux pêcheur qui a été étranger, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, qui vit avec d'autres vieux pêcheurs du lieu, et qui découvre qu'il est un poète grâce à une fille chinoise, c'est une histoire qui réfléchit sur notre identité traditionnelle et sur les moyens pour la renouveler aujourd'hui. Et ce moyen est la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire l'étranger. Ce sont deux mondes, deux identités en crise qui essaient de se découvrir. Oui, c'est la rencontre entre deux identités en crise. D'un côté, il y a le vieux pêcheur qui sait que son fils ne deviendra jamais pêcheur. Et de l'autre côté, on a une mère qui voyage à l'autre bout du monde pour donner un avenir à son fils. Il s'agit de deux identités en train de comprendre ce qui restera d'eux-mêmes et ce qui leur arrivera. Ce qu'on est en train de vivre, c'est bien la période des identités en crise. C'est l'identité qui s'est laissée charmer par le postmodernisme, par la société du consomme, du spectacle. La société qu'on appelle liquide, si tu veux, et qui maintenant ne sait plus qui elle est. Heureusement, la crise économique est arrivée et elle nous a fait comprendre qu'on vit aussi une crise d'identité. En réalité, la crise de l'identité existe déjà. Et la crise économique a pu s'installer parce qu'il y avait une identité civile qui était en crise. Je crois que celui-ci, c'est le thème le plus important de l'actualité. Beaucoup de films travaillent sur ce thème. Moi, je l'ai fait en allant dans le petit village de ma mère. Comme a dit un producteur, c'est inutile que vous écrivez des histoires. Finalement, tout le monde va raconter l'histoire de sa propre mère. Et j'en suis là aussi. Dans les films, cette rencontre se produit à travers un dialogue. Donc tu donnes une vision très optimiste. La solution à ces conflits d'identité se trouve dans les dialogues entre deux personnes. C'est une découverte. Il n'y a qu'un moyen pour affronter cette chose, et c'est de décider de l'affronter. On n'arrivera jamais à se renfermer dans une chambre. Tout ce qui, pendant la dernière quinzaine d'années, ont dit qu'il fallait arrêter les immigrés, bah, ils ont perdu. C'est une chose définitive en Italie comme dans tous les pays du monde. Si tu veux voyager vers un pays, tu pars. Peut-être tu risques ta vie parce qu'il y a quelques bâtards qui te tuent. Et tu vas quand même essayer. Donc cette chose est inévitable et il n'y a que deux options. Soit on l'affronte pas. Et si on l'affronte, cela signifie dévoiler des aspects de soi-même pour comprendre l'autre et vice-versa. C'est ça ce que Baby et Shundi font dans le film. Et finalement, les deux, ils vont gagner. Parce que même si on leur empêche de se voir et on essaie tous les moyens pour les écraser, Shundi réussit à faire arriver son fils en Italie et Baby devient un poète. Donc à la fin, ils sont les seuls à avoir gagné quelque chose. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Tu parli, hai lavorato già con i tuoi film documentari sulla periferia romana. Tu as déjà travaillé sur la banlieue de Rome et tu en parles comme dans laboratoire de dialogue. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Moi, j'habite à Tor Pignatara et les copines de ma fille à l'école s'appellent Zara, Meliba, Udita, Fatia ou Agnese. Et pour elles, c'est normal. Et pour loro è la normalità. Eppure tutti i giorni noi genitori dobbiamo lottare perché. Mais tous les jours, nous, les parents, on doit lutter. Parce qu'on nous ferme les jardins, le toit n'a pas été réparé, il n'y a pas d'argent pour les voyages scolaires, il n'y a pas d'argent pour les papiers toilettes. Ce qu'on devrait faire serait d'investir beaucoup d'argent dans cette école et dans ce quartier. Parce qu'on devrait transformer ce lieu où tous les jours Agnès et Udita jouent ensemble dans un laboratoire pour construire une nouvelle identité. Sans crainte de nous renfermer dans des choses qui n'ont aucun sens. Sauf pour ceux qui veulent obtenir des votes aux élections, bien évidemment. Si on va faire ça aujourd'hui, on va économiser beaucoup d'argent dans les 20 prochaines années. C'est une question d'économie. Mais on va économiser de l'argent d'aujourd'hui, parce que si Agnès et Lita se trouvent bien ensemble, je vais connaître sa mère et son père, et pour nous, ce sera plus un problème d'avoir un dialogue dans la vie de tous les jours. Mais surtout, quand Agnès et Lita auront 20 ans, les problèmes n'existeront plus, et on n'aura pas seulement construit une belle chose, mais on aura économisé de l'argent. Et c'est plutôt positivo rispetto alla realtà. Es-tu optimiste italienne? Par rapport à la réalité italienne? Bah, moi, je suis optimiste quand je parle avec les petits gens, avec la mère d'Udita ou avec les centaines de personnes qui organisent des projections de films comme les miens. Et ils sont partout en Italie. Après, quand j'entends parler les politiciens, de droite ou de gauche, sans distinction, parce que l'agressivité de la droite et la peur de la gauche sont la même chose, là, je me sens mal. L'agressivité de la destra s'est accompagnée de la peur de la sinistra. Mais je vis depuis 8 ans dans un quartier populaire et multiculturel. Et personnellement, je n'ai vu que deux épisodes de tension raciale. Et dès que je suis là, il y a eu peut-être 3 ou 4 épisodes. Et da quando sono lì, ci sono stati. Mais ils sont très peu si tu penses que j'habite dans un quartier Tor Pignatara et le Pigneto où il y a 400 000 personnes et 15 ethnies différentes. Ça signifie que la vie de tous les jours nous montre qu'on peut le faire. Après, quelqu'un vient, un sénateur ou un maire adjoint, pour dire que cette école doit être fermée parce qu'il y a trop d'étrangers. Mais il le dit seulement parce qu'il sait qu'il va obtenir des votes. Mais il n'y a rien d'acceptable dans ce qu'il dit. Dans les films, on voit que le Chinois aussi se renferme entre eux. C'est bien entendu une réaction à ce qu'ils sont en train de vivre. Est-ce que tu vois ça aussi dans la réalité que tu viens de décrire? Est-ce que tu crois que c'est une caractéristique de la communauté chinoise? Dall'altra parte, credi invece che sia una particolarità della comunità cinese? Ce que je dis jusqu'ici ne concerne pas que les Italiens. Ça concerne tout le monde. Comme on a des élus méchants et malins en Italie, il y en a en Bengale aussi, et ce n'est pas parce que quelqu'un est bengali qu'il ne peut pas être méchant. Je ne fais aucun racisme, même pas au contraire. J'ai étudié la communauté chinoise. J'ai essayé de la connaître, de la comprendre. Juste à côté de chez moi, cette fermeture de la communauté chinoise est liée à des choses très concrètes d'un point de vue historique. Après, oui, il y a la mafia aussi, mais ça, c'est nous qui l'avons inventé. La vraie raison, c'est que les Chinois n'ont pas une langue coloniale de médiation, comme par exemple l'être les Français ou l'anglais ou l'espagnol pour les autres communautés immigrées. Donc, ils ont du mal à communiquer. Essaye d'aller un mois à Pékin et après tu me diras si tu arrives à communiquer. En plus, leur structure économique, qui est peut-être liée à la structure linguistique, n'est pas une structure avec laquelle ils s'insèrent dans les tissus économiques italiens. I Sikh fanno le Moldaves fanno les aides à domicile, les Philippines fanno les employés dans les maisons, les Sénégalais fanno les métallurgistes, les Sikh fanno les agriculteurs, les Chinois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur propre commerce et ils travaillent dans l'import-export avec la Chine. Donc ça ne crée pas de rapport avec le tissu social. Mais tout ça va aller jusqu'à il y a 15 ans. Dans les 7 dernières années, les choses se sont complètement révolutionnées pour deux raisons. Premièrement, les Chinoises sont nées en Italie, donc ils n'ont plus de problèmes linguistiques. Deuxièmement, parce que les rapports macroéconomiques entre l'Italie et la Chine ont changé et donc les Chinois ont commencé à acheter des bars, des restaurants, des salons des coiffures. Ils ont donc commencé à avoir des rapports avec les tissus sociaux, les tissus sociaux réels. À Torpignatara, il y a 5 filles chinoises qui ont un salon d'esthétique et leurs clientes ne sont que des dames de la Calabre de 60 ans. Il n'y a aucun problème de relation entre elles. Aucun. Si un jour un élu arrive et commence à dire à la dame de la Calabre qui vit depuis 50 ans dans un bâtiment populaire avec 500 euros de retraite, et il lui dit que si elle vit mal, c'est de la fille qui lui fait les ongles parce qu'elle est de la mafia. Peut-être que la dame va y croire et un drame va se produire. Donc c'est là le problème. On doit empêcher à cette personne de dire de telles choses. Comment va-t-on l'empêcher? Là, c'est aussi une question de liberté d'expression, on dit. Mais après, pour moi, celui qui dit des choses pareilles ne devrait avoir aucun rôle représentatif. Si tu profites de la peur de l'étranger, qui est le moyen le plus simple pour gagner des votes, tu ne devrais pas faire de la politique, parce que tu feras du mal à la société. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Tu vas faire du mal. Comment c'était de tourner les films à Chioggia? Comment les personnes ont réagi? Ma mère est née à Chioggia et j'y ai passé beaucoup de temps, donc je la connais très bien. Les Chioggiotti, ses habitants, sont vraiment les Napolitains du Nord. Ils ont une grande capacité de se mettre en scène et d'auto-ironie. Et ça m'a beaucoup aidé pour les films aussi. Des personnages du film sont des vrais pêcheurs qui mettent en scène eux-mêmes en dénouant des parties d'eux-mêmes avec beaucoup de courage. Et si tu n'as pas d'ironie, tu ne peux pas faire ça. Mais ça implique aussi une forme d'amour et de haine telle qu'on la retrouve à Naples. Je t'insulte pour te dire que je t'aime, et en revanche, si je te dis que je t'aime bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Oppure se ti dico che ti voglio bene vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. C'était ça la relation avec les films aussi. Ils aimaient bien ce jeu, mais ils nous contrôlaient quand même. Ci tenevano anche sotto controllo. On voulait te poser aussi une question sur la traduction du titre « La petite Venise ». Rien à voir avec l'italien « Io sono lì ». Est-ce que ça a été choisi pour un souci de publicité? On m'a informé que de longues réunions avaient été faites pour décider que celui-là était un titre intéressant. Je leur ai dit que je n'étais pas tout à fait convaincue et ils m'ont dit qu'ils étaient désolés. Pour ce film, tu as choisi des grands acteurs. Est-ce qu'ils t'ont aidé à développer une relation avec les gens du lieu? Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose au dialogue? Oui, quelque chose s'est passé. Mais tu vois, on travaillait avec beaucoup de langues différentes. Zautau ne parle que le mandarin, Rade Sherbeja ne parle que serbe, Marco Paolini, Roberto Citran et Paolo Battiston parlent dialecte, mais un de Frioul, un de Padoue et un de Venise, et là, ils devaient parler les dialectes de Chioggia. Le pêcheur parlait les dialectes de Chioggia, mais ne parlait pas la langue du cinéma. Donc, c'était une véritable Babel où le scénario a été une référence importante, car on avait besoin de quelque chose de solide sur laquelle nous appuyer. Mais oui, il y a eu des choses qui sont nées, surtout entre le groupe des trois acteurs de la Venise et les pêcheurs. Des blancs ont été suggérés par les pêcheurs à Beppo Marco, qui les ont un peu transformés. Combien de temps a-t-il fallu pour faire tout ce travail? En octobre 2008, nous avons gagné le prix comme meilleur sujet au Festival de Rome dans la section d'usine à projet avec le premier sujet qu'on avait écrit. Là, ça a été le début. Le tournage a commencé 2 ans après, en octobre 2010, et il a duré 6 semaines, tandis que le montage a pris 6 mois. Donc, du premier sujet à la sortie à Venise, se sont écoulées 3 années, une période normale pour une première œuvre. Si ça avait été pour la France, ça aurait été plus vite, parce que le premier financement sont arrivés de la France. Quand nous avons gagné le prix à Rome à l'usine à projet, j'ai présenté les sujets à tout le monde. Il y avait des distributeurs qui m'aidaient de partout, de l'Argentine, de l'Australie, de la Danemark. Le seul qui m'ont dit « ce projet est trop local » ont été celui de la RAI italienne. Questo progetto è troppo locale. Je leur ai demandé pourquoi c'était trop local et ils m'ont dit bah oui, c'est l'histoire d'un petit village, ça n'intéresse à personne. Non, mais vous n'avez pas compris, je leur ai dit c'est une métaphore. Ensuite, le financement français est arrivé et c'est justement les Français qui ont appelé la RAI pour leur dire on est en train de financer un film complètement italien tourné en Italie. Est-ce que vous avez lu le sujet? Et après ça, eux aussi, ils ont participé. Même avec Un homme sur la terre, c'était passé quelque chose de pareil. Oui, oui, c'est toujours la même chose. C'est une perte gigantesque de temps et d'énergie qui existe dans notre pays. Et c'est ce que dans notre pays, les relations sont plus importantes que le mérite, ça c'est évident. J'ai jamais voulu qu'on me dise que c'était un beau film, mais si les Français les financent, ce n'est pas possible qu'en Italie on me dise que c'est trop local. Ça signifie que les Italiens n'ont pas lu les sujets avec attention ou que les Français sont fous. Mais on n'investit pas 400 000 euros sur une folie. Mais ça, c'est peut-être subjectif aussi. La chose vraiment objective, c'était à Cannes. Mon scénario était le seul italien sélectionné pour l'atelier de Cannes. Et j'ai rencontré des distributeurs et des commission editors qui venaient de partout dans le monde, sauf que d'Italie. Le directeur de l'atelier de Cannes est venu me voir et m'a demandé « Mais qu'est-ce que vous avez fait aux Italiens ?»« Mais moi, j'ai rien fait, je leur ai dit. » Parce que c'était incroyable qu'on n'avait qu'un projet italien sélectionné par l'atelier de Cannes et que les Italiens ne venaient pas le voir. Il y a des milliers de scénaristes de tout le monde qui essaient d'accéder à l'atelier de Cannes. Donc je pris mon scénario et je suis allée chez les distributeurs italiens pour leur demander s'ils voulaient le lire. Et ils m'ont dit « Oui, mais on sait que tu as été sélectionné, on va se voir à Rome. » Non, mais ça ne marche pas comme ça. Moi, j'étais officiellement sélectionnée dans une structure qui existe pour sélectionner les scénarios. Vous êtes des distributeurs et des bailleurs des fonds et vous devez lire mon scénario. C'est votre travail, tout simplement. On ne peut pas être plombier et ne jamais réparer un robinet. Partiamo da questo. Non è che tu puoi fare l'idraulico senza mai aggiustare un rubinetto. Prossimi progetti. Parlons de tes prochains projets. Il s'agit toujours de documentaires ou tu as plutôt envie de faire d'autres films? On continue avec un mix. Après La Petite Venise, j'ai fait La Mer Fermée. Et maintenant, je suis en train d'écrire un autre film. Mais j'irai en Grèce pour un autre documentaire. Donc, les deux parcours vont continuer à se mélanger. Comme ça, un jour, ça se passera que personne ne me demandera plus s'il s'agit d'un documentaire ou d'un vrai film. J'ai tourné un film, c'est tout. Punto, certo. Grazie Andrea veramente dell'intervista e ti auguriamo tanta fortuna con questo film e noi lo sosteniamo da qui. Grazie. Ciao. Ciao. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Après cette intéressante interview à Andrea Segre, on se détend un petit peu avec un morceau que la funky ménagère utilise pendant ses présentations. On va donc écouter Jolie Coquine de Caravan Palace. What to do? alors on a fait une courte pause musicale et là on continue avant de terminer notre dernière émission avant l'été. En écoutant en fait Marikia Simicic Arese, qui est la fondatrice de la Spiral Foundation, qui est une ONG qui réalise à Rome avec un groupe de réfugiés des objets à partir des matériaux de récupération. Et donc là, on écoute. Partiamo dall'inizio. Commençons dès le début. Refugees Card est un projet qui voit la lumière en août dernier. Il naît de votre envie de travailler sur le territoire italien en faveur des réfugiés. Après avoir vu des États-Unis où vous vivez les images de Lampedusa transmises par les médias, vous avez décidé avec votre ONG de créer quelque chose de merveilleux et utile. Come nasce questa cosa? On voudrait savoir d'où vient cette envie. Entre le mois de mars et avril, suite au débarquement de plus de 5000 réfugiés africains à Lampedusa, les médias commencent à montrer et à parler de la montagne de la honte, une énorme colline de poubelles qui se forma sur la plage de l'île sicilienne. Moi, au contraire, je n'y voyais pas une montagne de honte, mais une montagne de trésors qui pouvait être transformée en objet utile et amusante. Ce type de geste aurait redonné de la dignité à toutes ces personnes qui venaient en Italie à la recherche d'une protection légale. È stato facile montarlo in Italia? A-t-il été facile de mettre en place ce type de projet? Oui, beaucoup plus facile de ce que je ne l'imaginais. De mon arrivée en juin, j'ai essayé de suivre les parcours des réfugiés. Je commençais en visitant des centres d'accueil et les centres installés pour aller à leur rencontre. Je fais moi-même la queue pour la distribution de repas à 15 heures et là, en ce moment, je pensais qu'il était possible de commencer le projet. Je pris contact avec Laura Boldrini, porte-parole de UNHCR pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour lui demander leur soutien. Je lui ai montré les objets faits des matériaux de récupération qu'on fabrique au Népal et en Cambodge. Elle m'a répondu « Essayons ». En ayant créé un groupe de 10 réfugiés tout de suite, j'ai obtenu leur patronage immédiatement après un mois. Ensemble, on a inventé un nouveau matériel issu du recyclage d'objets en plastique et a créé des objets. O bottiglie di plastica. Riuscimmo ad inventare questo materiale e creare degli oggetti. Per cui le Nazioni Unite ci daranno il loro patrocinio. Le persone. Ces personnes viennent du Mali, Sénégal, Guinée, Burkina Faso. Comment les avez-vous rencontrés? Letteralmente. On a pu se rencontrer au centre Astalli et grâce à l'aide de l'association Laboratoire 53, Laboratoire 53, une organisation des Roms qui s'occupe des problèmes légaux et psychologiques des réfugiés. Comment se déroule-t-il la journée de ces personnes qui ramassent et traitent les papiers et les plastiques qui ramassent un peu partout? Com'è una giornata tipo? Se ce la può raccontare, cosa succede in... La mattina arriviamo verso le 9 al laboratorio. Le matin, vers 9h, on arrive à l'atelier, déjà bien chargé des choses qu'on a ramassées dans les rues le soir précédent en rentrant, ou dans les week-ends, ou apportant tout ce que les amis ou les supermarchés nous donnent. Après avoir nettoyé le plastique, on commence à créer et à produire les objets. Je tiens à souligner que la grande valeur ajoutée de ce projet n'est pas seulement dans le fait que le réfugié puisse gagner un petit salaire. Guadagnano qualche cosa, cioè riescono a generare un piccolo reddito. mais plutôt dans le fait qu'en étant ensemble, les gens puissent se sentir comme dans une famille et sortir ainsi d'une condition d'anonymat et d'isolement forcé. Noi non siamo una impresa sociale, ma piuttosto siamo un'organizzazione. Nous, on n'est pas une entreprise sociale, mais plutôt une organisation humanitaire qui offre un soutien à ceux qui se trouvent dans les limbes, dans l'attente de recevoir la documentation nécessaire à légaliser leur permanence en Italie pour enfin trouver un vrai travail. Je voulais vous poser une question. J'étais très touchée par le fait que vous utilisez le mot « nous ». Vous accompagnez toujours ces personnes. Oui, oui, on continue. Et effectivement, je viens de rentrer de l'atelier où on travaille ensemble tous les matins jusqu'à 14 heures. Et avez-vous l'intention de... Avez-vous envie de multiplier cette expérience sur les territoires italiens, puisque c'est un projet qui fait du bien à tous? Oui, il fait du bien aux citoyens, puisque l'environnement devient plus propre. On a recyclé 1,5 tonne de plastique en 6 mois. Et il fait du bien aussi aux réfugiés pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Combien de personnes ont travaillé dans ce projet jusqu'à présent? Maintenant, on est 10, on était 9 et on vient de rajouter une personne au groupe. Y a-t-il des gens qui voudraient participer et s'ajouter à vous? Oui, tout à fait. Et on souhaiterait que ce modèle puisse se reproduire dans d'autres conditions à bénéfice d'autres gens. Les personnes con cui lavorate a Roma, se questo. On peut imaginer que si le projet est exporté, les personnes qui travaillent maintenant à Rome pourraient apprendre leur métier aux autres. Exactement. Et apporter aussi des bénéfices à d'autres réfugiés. Cela s'est déjà arrivé. Par exemple, quand les Nations Unies vendent nos objets, une partie du profit va au bénéfice d'autres réfugiés. Il s'agit d'un cycle vertueux. Exactement, il y a un esprit positif dans tout cela. Il y a aussi des facteurs créatifs. Il y en a beaucoup de créativité et c'est très bon. En fait, chacun compose ses tissus de plastique en choisissant les combinaisons de couleurs et l'épaisseur des lignes. Chacun a son propre goût. Il ne s'agit pas du tout d'un travail de routine, toujours pareil, mais au contraire, chacun organise son assortiment de couleurs comme dans un tableau. Ognuno compone il suo e poi immaginate nuovi oggetti anche pian piano. Vous imaginez de nouveaux objets? Oui, on poursuit et on doit même arrêter notre imagination. Quels sont les objets que vous avez créés? On a créé des colliers qui ont été même portés par de nombreuses célébrités comme Madonna. Collo di molte famose attrici. Sì. E poi abbiamo creato borse. De sac, de sous-plats, des tabliers, des lampes, des marque-pages. Adesso facciamo grembiuli da cucina, delle lampade a tavolo, segnalibri. Di tutto e di più. Se le persone vogliono vedere questi oggetti. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut voir tous ces objets? Et comment peut-on vous retrouver à Rome? À Rome, les gens peuvent nous contacter à travers le Spiral Foundation, www.spiralfoundation.org. Et ils peuvent aussi venir nous voir tous les matins à notre atelier au numéro 40 Piazza Caduti della Montagnola. Et je laisse aussi mon numéro de téléphone italien, donc 0039 335 70 67 879. Grazie per questa testimonianza. On tient vraiment à vous remercier pour ce témoignage. Merci à vous. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Il y a un proverbe africain qui dit « Pour devenir un homme, il faut un village entier. » Pour que le projet Refugees Card grandisse et puisse générer des bénéfices, on a besoin de l'aide de tous. On est le village de Refugees Card. siamo, sì, tutti siamo là, il villaggio di Refugee Scar. Et alors, ce soir, Envie d'Italie vous a porté un voyage dans l'univers de la cuisine, de la musique, des films et enfin du recyclage artistique. Alors, notre émission touche à sa fin. Vous pouvez à tout moment nous contacter à travers notre page Facebook ou notre blog. Pour terminer, un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Irene Pancaldi, Veronica Collalti et Francesco Artuso à la technique. Pour la réalisation des interviews et traductions, Eleonora Brianzoli e Margherita Poli, ainsi que à nos invités, o Chansoni e Dente, o réalisateur Andrea Segre, Marie-Casimic Arese, fondatrice de Spiral Foundation, e Elisabetta degli Esposti, alias Funky Zdaura. Eh bien, AFPP Radio qui nous permet d'être là. Donc, on vous dit au revoir et on se voit à la rentrée. Au revoir. Bonnes vacances, bonnes vacances. Mais c'est ça.